Cours numéro 36. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa yuhibbuna ahla bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa yatawallawnahum, wa yahfadhuna fihim wasiyyata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, haythu qali yawma ghadir khum. أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفون وفي نسخة يجفو بدون النون يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي فإياه ولله الحمد. On a commencé l'étude d'un autre fondement important. وهو أن أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. Parmi les fondements de la Sunna, أن on doit aimer les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. ونبغض من يبغضهم. ولله الحمد من عقيدتنا أن الصحابة رضي الله عنهم سأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. Et أن الصحابة c'est les meilleurs des hommes après les messagers et les prophètes عليهم الصلاة والسلام. واستفدنا كذلك أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فوائد كثيرة qu'on a étudié ensemble hier ولله الحمد. Et aujourd'hui on commence la lecture de la deuxième partie de ce fondement وهو ما يتعلق بأهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الواجب محبتهم on doit les aimer. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث إليه في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. وقال أيضا للعباس le prophète صلى الله عليه وسلم كذلك ils ont rapporté أنه il a dit à العباس رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث فيه ضعف في سنده يزيد ابن أبي زياد إلى ضعيف. لماذا؟ لأنه ستان شيعي. لكن بعض العلماء حسنوا الحديث بالشواهد لأن يبقوا دو أحاديث كي vont dans ce sens. لا شك أن المعنى إلي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته المؤمنين الأفاضل رضي الله عنهم. قال الشيخ سعدي رحمه الله فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة من وجوه. Donc c'est obligé d'aimer les croyants parmi la famille du prophète صلى الله عليه وسلم pour plusieurs raisons. قال منها أولا لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم. نعم parce que c'était des croyants. Et المؤمن il doit aimer ses frères croyants. Que dire si ces croyants en plus d'être croyants, ils font partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. كذلك انهم ils font partie de as-sahaba radiyallahu anhum, ay ceux qui ont vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam parmi sa famille, comme ses filles, comme ses cousins, ses oncles, etc. قال ومنهم او ومنها اي parmi les raisons qu'on doit les aimer. ومنها لما يتميز به من قرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه. نعم ils font partie de sa famille bien sûr. Donc ils ont des liens directs avec افضل البشر عليه الصلاه والسلام. اي ils ont des liens de parenté avec le prophète عليه الصلاه والسلام فلا شك ان on doit les aimer pour cela. قال ومنها لما حث عليه ورغب فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم qui nous a ordonné de prendre soin de sa famille, de les aimer, de ne pas les insulter, de ne pas leur faire du mal, etc. قال ومنها لما في ذلك من علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال أي الشيخ سعدي directement il est passé au matn أي كلام شيخ الإسلام رحمه الله وقد قال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار أو خيار من خيار من خيار وقد جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه. نعم. Le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam, et sa famille, c'est la meilleure des familles, et c'est son arbre généalogique, c'est le meilleur, et son asl, alayhi salatu wassalam, ses origines, c'est les meilleures origines. Là, chacun a tout cela, ça montre que sa famille, ils ont un rang. Les Mahadali, sa famille, ils ont les mêmes ancêtres que lui. Ils ont les mêmes origines que lui. Ils font partie de la même tribu que lui. Ils ont le même sang que lui, alayhi salatu wassalam. En plus d'être croyant, et avec ceux qui ont vécu à son époque parmi les membres de sa famille, c'était des compagnons, radiyallahu anhum. Zid ala dhalik, annahum, ils ont une fadila, et une manzila ravi'a, annahum, ils font partie de sa famille. قال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده. كذلك on doit aimer les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم فلي femmes du prophète صلى الله عليه وسلم c'est les mères des croyants. Enfin, on doit les aimer pour cela. Donc, c'est les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام. كذلك, elles ont assisté à la révélation. Elles se sont occupées du prophète alayhi salatu wassalam. كذلك elles font partie de Ahl al-Bayt. كما قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إلى آخره. ثم قال عز وجل à la fin de ces versets من سورة الأحزاب قال عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam أهل البيت. Donc elles font partie de أهل البيت et elles ont un énorme mérite radiyallahu anhunna ajma'in. Wa kama qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah khususan Khadija. Et parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiyallahu anha, qui a un rang très très élevé. Qala Cheikh al-Islam akthar awlade. C'est la mère de la plupart des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Sheikh Sa'di fa inna jami'a awladihi al-dhukur wal-inath. Al-dhukur c'est le pluriel de zakar et les garçons. Wal-inath c'est le pluriel de untha et les filles. Minha illa Ibrahim fa innahu min suriyatihi Maria al-Qibtiyya. Donc tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont de Fatima, la mère de tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aqsud, c'est de Khadija, sauf Ibrahim, le fils du prophète alayhi salatu wa sallam, sa mère c'était Maria al-Qibtiyya. Donc Khadija ala hadha al-fadl al-azim an Allah subhanahu wa ta'ala razaqaha awlad al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tous ses enfants, et ils étaient au nombre de 6, deux garçons et 4 filles. Amma les garçons, Al-Qasim. Et l'autre garçon, Abdullah. Wa yuqal lahu at-tayyib wa at-tahir. Al-Qasim, c'est le plus âgé. C'est pour ça que la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu al-Qasim. Et l'autre garçon qu'il a eu, alayhi salatu wa sallam, fil Medina après l'Hijra, Abdullah. Et il était surnommé At-Tayyib, At-Tahir. At-Tayyib, c'est le bon, At-Tahir, c'est le pur. Et ils sont morts en bas âge. Alayhim as-salatu wassalam. Wa amma al-banat, et les filles, elles étaient au nombre de quatre. La plus âgée, Zaynab, thumma Umm Kulthum, thumma Fatima, thumma Ruqayya. Wa akbar awladihi, bien sûr, c'est Qasim, et la plus grande des filles, c'est Zaynab, comme a dit le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, dans son charh. Et toutes ces filles, elles sont mortes, elles sont décédées, radiyallahu anhunna, avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sauf Fatima, radiyallahu anha, elle est morte quelques mois après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme a taqaddam ma'ana fi sharh Riyad al-Salihin. Amma Fatima, c'était la femme de Ali, radiyallahu anhu, et Uthman, radiyallahu anhu, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mariée avec deux de ses filles, Kulthum et Ruqayya, les deux femmes de Uthman. Et bien sûr, une après l'autre. Il s'est marié avec une, thumma elle est décédée, thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mariée avec une autre. فعلى كل حال خديجة على هذه المزية هذا الفضل أن tous les enfants du prophète صلى الله عليه وسلم c'était d'elle sauf إبراهيم. قال وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة أي خديجة الطيبة. Et dans une نسخة العالية. Donc la première qui a cru en lui. بعض أهل العلم قالوا على الإطلاق. Parmi les hommes et les femmes. أن la première personne qui a cru, c'est خديجة رضي الله عنها. وعاضده على أمره وكان له منه وكان لها منه المنزلة الطيبة. نعم. Et tellement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait et il tenait à elle, enfin, il ne s'est pas marié avec une autre femme tant que Khadija radiallahu anha, elle était vivante. Wa as-siddiqa bintu as-siddiq, ay Aisha radiallahu anha, lati qala fiha an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fadlu Aisha ala an-nisa ka fadli al-tharid ala sa'ir al-ta'am. Al-tharid, c'était un plat qui était très apprécié à leur époque. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé Aïcha, il l'a comparé aux autres femmes, ou il a montré son rang par rapport aux autres femmes, comme Al-Tharid, Al-Tharid, hadha al-ta'am, al-tayyib, qui est à leur époque, par rapport aux autres plats. Qala Cheikh Sa'di rahimahullah, wa Aïchatu wa Khadijatu radiyallahu anhuma, huma afdalu nisa'in Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadha y'a aucun doute. Anna Khadija et Aïcha, c'était les deux meilleures épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qad ikhtalafa al-ulama ayyuhuma afdal. Amma est-ce que Khadija est meilleure que Aisha ou Aisha est meilleure que Aisha est meilleure que Khadija? Hada fi khilaf bayna ahli al-'ilm. Il y a une grande divergence entre les savants. Certains ils ont dit que Aisha elle était meilleure et d'autres ils ont dit que Khadija elle était meilleure. Qal al-Sheikh Sa'di rahimahullah wa at-tahqiq أن لكل واحدة منهن من الفضائل والخصائص ما ليس للأخرى. هذا كلام طيب. C'est le juste milieu. Et هذا القول tu peux regrouper avec tous les hadiths. أي les hadiths qui montrent les mérites de Khadija et les hadiths qui montrent les mérites de Aisha رضي الله عنهما. Donc هذا القول أن Khadija elle est meilleure pour certaines causes. Elle a certains mérites que Aïcha, elle n'a pas. Et Aïcha, elle est meilleure pour certaines choses. Elle a des mérites que Khadija, elle n'a pas. Qala wa at-tahqiq an li kulli wahidatin minhum min al-fada'il wal-khasa'is ma laysa lil-ukhra fa li Khadija min as-sabq ومعاونة النبي صلى الله عليه وسلم على أمره في أول الأمر وتثبيته وكون أكثر أولاده أو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ليس لعائشة. Donc Khadija, elle a fait des choses, elle a vécu des choses que Aïcha رضي الله عنها, elle n'a pas eu, elle n'a pas vécu. مثلا, elle était au départ et elle est la première des femmes à avoir cru et كذلك elle a secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il n'avait personne illa Allah azza wa jall. Donc tout ça, ça montre ses mérites. كذلك كما تقدم أنها c'était la mère de tous ses enfants sauf Ibrahim. قال ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة رضي الله عنها أو رضي الله عنهما. نعم. Donc Aïcha, elle a le mérite de l'ilm. C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait plus de ilm et qui a rapporté le plus de ilm. Falihada, as-sahaba radiyallahu anhum, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revenait kathiran à Aïcha. Limada li annaha, elle a vu des choses, elle a vécu des choses, elle a compris min al-ilm beaucoup de choses et elle a fait profiter la umma après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-ulama yaquluna annaha sa'lam an-nisa' ala al-itlaq. C'est la femme qui avait le plus de science, pas que de cette communauté, de toutes les communautés. Limada li annaha, elle a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam très très jeune et Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné dhaka'un wa hifdhun wa fahm. Elle comprenait très très vite, elle était très très intelligente et c'est devenu la femme qui avait la plus savante, qui avait le plus de ilm, radiyallahu anha. Donc elle a fait beaucoup de khayr après la mort du prophète alayhi salam. Elle a vécu très très longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a fait beaucoup de khayr. Donc par rapport à la science, il n'y a aucun doute que Aïcha elle est afdal. Et par rapport à le fait d'avoir secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam au départ et le fait d'être la mère de tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija elle est afdal. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. هذه المسألة تقدمت معنا باختصار, أي أن أهل السنة ils sont sur la voie du juste milieu dans tous les domaines du din ولله الحمد. Et parmi ces points où أهل السنة ils ont suivi le juste milieu fi hadhihi al-mas'ala al-'azima ay ma yata'allaq bi as-sahaba radiyallahu anhum wa ahli al-bayt. Wa huna tu as deux extrêmes que l'imam al-Taymiyyah rahimahullah il a cité. Ar-rawafid, ceux qui accusent, insultent et rendent mécréants la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Et tu as un autre extrême, an-nawasib, ils ont combattu la bid'a des rawafid avec une autre bid'a. Ils ont combattu l'innovation par l'innovation. Et là, c'est très très grave. Même si on déteste une chose, même si on veut répliquer, même si on veut réfuter, même si on veut mettre en garde contre un égaré, contre un groupe, on doit parler bi'ilm. Amma, répondre au faux, par le faux, c'est de l'injustice. Notre dîn, il n'est pas fondé sur des principes corrompus, faux. À la fin, elle justifie les moyens. Mais en garde, c'est un groupe égaré, cette personne elle est kada et kada, l'essentiel on peut parler parce que c'est un égaré. Notre dîn il est fondé sur la justice. On doit être juste fi aqwalina wa fi af'alina, dans tout ce qu'on fait. Falihada an-nawasib, quand ils ont appris l'égarement de Rawafid, annahum ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et annahum ils exagèrent dans ce qui ils exagèrent concernant la famille du prophète alayhi wa sallam. Mada fa'alu an-nawasib, ils ont insulté la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour répondre à l'égarement des Rawafid qui insultent les compagnons, ça montre les passions. Annahum ils ont voulu défendre la vérité lakin avec leur passion ils se sont égarés. Amma ahlul haqq, ils propagent la vérité avec la vérité. Ils mettent en garde contre le faux avec la vérité. La yata'assabuna li anfusihim wala li aqwalihim wala li ara'ihim bal yata'assabuna lil haqq. Leur objectif c'est la vérité, de propager la vérité. On met en garde contre les égarés avec la vérité. Comme quand tu conseilles ton frère, tu fais tout pour être véridique et parler avec preuve. Hakada, avec al-kafir, avec al-munharif, avec al-mubtadi, on doit parler justement. Et avec science, bien sûr. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah, wa awwal man samma al-rawafid bi hadha al-laqab, Zayn ibn Ali, ibn Hussein, ibn Ali, ibn Abi Talib. Ay, le petit-fils de Ali, radiyallahu anhu. Donc, le petit-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a Ali, il y en a plutôt le Hussein, c'était le fils ou le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, هنا tu as زيد, tu as علي, ثم tu as الحسين, ثم tu as علي بن أبي طالب. هذا الإمام زيد بن علي, il fait partie des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la descendance de Fatima radiyallahu anha. C'est le premier à avoir appelé al-Rawafid bi hadha al-laqab. قال الذي خرج في أو في أوائل دولة بني العباس وبيعه كثير من الشيعة. Son histoire est معروفة. الإمام ابن كثير رحمه الله il l'a cité في البداية والنهاية كما هنا في الحاشية. أنه il est parti en Irak. Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Et هناك il y avait un قوم qui se sont égarés et ils se sont regroupés autour de lui. Ils voulaient que ça soit leur guide. Lakin ils ont voulu lui imposer, comme a dit Cheikh Sa'di rahimahullah, wa bay'ahu kathirun min ash-Shi'a wa lamma nadharuhu fi Abi Bakr wa Umar talabu minhu an yatabarra minhumā. Ils ont demandé à Zayd ibn Ali rahimahullah an yatabarra, qu'il se désavoue de Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhumā ajma'in. Ash-Shaykhān al-Khalifatān, les deux califes bien guidés, les deux meilleurs de cette umma, Ha'oula, Ar-Rawafid, Ad-Dullal, ils ont voulu que Zayd ibn Ali se désavoue d'eux, hatta ça devient leur guide, leur chef. Et Zayd ibn Ali, c'était un homme pieux, rahmatullah alayhi. Et il a refusé. Fa'aba rahimahullah, tafarraqu anhu, faqala rafadtumuni, famin yawma'idhin qila lahum, Ar-Rafida. Na'am. Donc, à partir de ce jour-là, il les a appelés Ar-Rafida. Et c'est Ha'oula qui ont tué Al-Hussein Kadhalik quand ils l'ont rejoint. Ils l'ont rejoint dans un endroit, Thumma Qatalou. Ha'oula Al-Qawm, Al-Dullal Al-Zanadiq Ar-Rafida, Yubghidouna Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils détestent les compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Bel, c'est devenu un fondement de leur dîn. Tout ce qui est lié à Abu Bakr, à Umar, à Uthman, à Aisha, à Hafsa, à autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa al-qalil, pour eux, si tu aimes ces compagnons et tu les suis, etc., pour eux, tu es un kafir. فَلِهَذَا يُحَارِبُونَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَدِيمٍ. تَأَمَّلَ أَنَّهُمْ ils ont combattu Zayd ibn Ali, بل ils ont combattu كذلك son grand-père Al-Hussein et كثير من الأفاضل jusqu'à notre époque. Et العجيب أن بعض الناس qui ne donnent pas d'importance à cette aqidah, à cette croyance, ou qu'ils l'ignorent, ou qu'ils ont d'autres raisons, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas compris l'égarement de cette secte, Ar-Rawafid. C'est min akhbath an-nas. Tu dois avoir aucun doute. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Bal yuharibun al-islam. Ta'amma le fondement de notre din. Al-Qur'an. Les Rawafid d'aujourd'hui, ils ont une aqida anna hadha al-Qur'an il a été falsifié. Pourquoi? Lianna ça revient à Sahaba radiyallahu anhum. Vu que Sahaba radiyallahu anhum, c'est eux qui ont propagé le din après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour eux, ils ont falsifié le Qur'an. Ils ont été injustes envers Ali. Ils ont modifié beaucoup de choses. Donc, notre dîn complet, Al-Qur'an, ils ont des doutes. Ils disent qu'il a été falsifié. Et ils disent qu'ils ont Qur'an Fatima et il est beaucoup plus épais que notre Qur'an. كذلك, pour eux, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, c'est des mensonges. Et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les références, عند أهل السنة, Al-Ummahat, من الكتب, Al-Ummahat, cité autre, pour eux, c'est des mensonges. Donc, ils ont rejeté le Qur'an. Ils ont rejeté le sunnah. Ils ont rejeté As-Sahaba radiyallahu anhum. Aïe, ha'oula, c'est notre référence pour comprendre le Coran ou le sunnah. Bel yata'anouna fi Jibril. L'ange qui était chargé de révéler ou de faire descendre la révélation sur les prophètes. Ta'anouvi. Vous avez remarqué que tout ce qui est lié à la révélation, et la révélation c'est notre dîn. La religion de l'islam elle est fondée sur la révélation. C'est pour ça que tu trouves Ha'oula semin akhbath innas. Et بعض الناس on disait بسبب الجهل, ils appellent à se rassembler مع Ha'oula. Ou بعضهم يقول أن Ha'oula On a des divergences avec eux, laquelle? Comment diverge avec les autres madhahib, avec madhhab ashab madhhab l'imam Shafi'i ou madhhab l'imam Malik et autres. فنعوذ بالله من الانحراف. أين الغيرة ومحبة هؤلاء الأفاضل les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يطعنون بهم ils les accusent, ils les insultent à l'akhir. ثم tu trouves واحد dit c'est des musulmans, c'est nos frères et on a quelques divergences. Quelques divergences, belle c'est du kufr واضح. La différence entre un sunni et un rafidi, c'est comme la différence entre un musulman et un kafir. هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم اللي زقع ما كنا سيتي سيدي كفر بالإجماع إجماع العلماء كفروهم أكوز دلغ زقع ما قال الشيخ سعدي رحمه الله وكانوا فرقا كثيرة منهم الغالية ومنهم من هم دون ذلك نعم سيقتوا على الوقت يفي سكونا بل الزيدية ils avaient beaucoup moins d'égarement que الرافضة بل ils ont réfuté الرافضة dans plusieurs choses et il y avait des groupes extrêmes comme Al-Batiniya, Al-Qaramita, Al-Ismailiya, Al-Ithnaï Ashariya. Lakin à notre époque, la plupart des chiites al-an, c'est des Rawafid. Que ce soit ceux qui sont en Iran, ceux qui sont au Yémen, ou ceux qui sont en Syrie, ou au Liban, ou en Irak bien sûr. Haoula, la plupart, c'est des Ismailiya, des Rawafid. Kathir minhum, c'est des Zanadiqa. Al-Muslim, il fait attention. Walillahi alhamd, on a détaillé l'égarement de cette secte dans notre série de cours sur les sectes en islam. Enfin, celui qui veut les détails, walillahi alhamd, on a résumé et cité les paroles des savants à ce sujet. Qala, wa firaquhum ma'roufa wa amma an-nawasib fahum alladhina nasabu al-adawa wal-adhiya li ahli bayt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kana lahum wujudun fi sadr hadhihi al-umma li asbab wa umur siyasiyya ma'roufa. Na'am, c'était pour combattre haoula ar-rawafid. Et c'était des égarés. Ce groupe c'était des égarés. Et ils étaient à l'époque. Qala wa min zamanin tawil laysa lahum wujud walhamdulillah. Même si le fikr tu peux le trouver encore peut-être chez certains. Ou il a un groupe comme Rawafid An, ils ont un pays, ils ont un gouvernement en Iran, ils ont Kadalik au Liban, Kadalik en Syrie, Kadalik en Irak, et ils ont un groupe avec des guides, avec des écoles, etc. Amma al-Nawasib fala. Lakin, la chacun a leur fikr, c'est de l'égarement. Et min al-Zulm, c'est d'appeler Ahl-Sunna Nawasib. Fa'hadar. Anna. أهل الرفض الشيعة الروافض يزاكوز أهل السنة دتخ دي نواصب alors que c'est pas vrai on a une référence parmi nos références dans العقيدة أي الواسطية et on vient de lire كلام شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله sur l'importance de respecter la famille du prophète صلى الله عليه وسلم et d'aimer les croyants parmi eux et de croire en leur mérite surtout ceux qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kadhib, c'est très très simple. Mentir, c'est très très simple. C'est pour ça que Jami' Ahl al-Bida' ils sont tous d'accord dans un point. Annahum yata'anouna fi Ahl al-Sunnah. Imma al-Rawafid les accuse de Nawasib, al-Mu'attila les accuse de Mushabbiha, al-Murji'a les accuse de Takfir, al-Khawarij les accuse de Murji'a. Al-Munharifoun, il les accuse de dégaré, de Hizbiyoun. Ah, là, c'est min ashal ma yakoun. Tout le monde peut accuser l'autre. Lakin, al-Barahin, al-Adillah, des preuves. Amma, madalan, accuser un sunni de Nasibi. Et ce sunni, il te dit, j'aime la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut les respecter. Ben, il te montre que al-Nawasib, ceux qui les insultent, qui les accusent, c'est des égarés. Thumma, cette personne, elle continue à dire, là, ce sunni, c'est un Nasibi. Al-Nasibi, c'est le pluriel, c'est Nawasib. Comme Rafidi, Rawafid. Kharidi, Khawarij. C'est très très simple. Lakin, al-Zulm, al-Zulumat, yom al-Qiyam. On fait attention de ne pas accuser. Khansatan, si Al-Insan, il se désavoue d'une chose et il montre qu'il n'est pas d'accord avec cette chose et on n'a aucun argument, fala yajouz. Fala yajouz d'accuser son frère, bi-ghayri haqq. Thumma qala. الإمام نتيمية رحمه الله تعالى ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص إذا ندخل نسخة ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ثم الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى ستي هذه المسألة كذلك très très importante dans ce fondement concernant les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. أن السني يمسك عما شجر بين الصحابة أي كي سي باسي à l'époque de Sahaba radiyallahu anhum, bien sûr après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, belle après la mort de Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, tout ce qui s'est passé après la mort de Uthman à l'époque de Ali et la akhire, fa as-sunni yumsik an hadha yumsik amma shajara baynahum ay ma hasala baynahum, tout ce qui est arrivé entre eux comme dispute, comme guerre, etc., fa fais attention. Fais attention de ne pas rentrer via Vali Anna. Peut-être que tu vas basculer d'un côté ou d'un autre et tu vas accuser les autres. Et les autres, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle un al-fitna qu'il y a eu entre sahaba radiyallahu anhum. Hada ihdar. Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a cité cette mas'ala fi aqidati. Tellement qu'elle est importante. Wa kam min al-nas in harafu wa zaghu. والله بعضهم سيدفنوا الروافض عقيدة الرافضة لماذا؟ لأنهم ستدي أهل السنة في الجملة ستدي السنيت يزيمي الكمبانيون يزيمي الفامي دي بروفيت صلى الله عليه وسلم مهم يسون رنطري في هذه المسألة يسون كمانسي أليغ دي ليفر خاصة كتب التاريخ دي ليفر ديستوار اي سيغتان زيستوريان بعض الكتاب يسون با عقيدة السلف بل سيدي منحرفون. Et ils expliquent ces faits historiques qui se sont passés à l'époque de Uthman, de Ali et des autres compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, avec l'ignorance, avec les passions. Et tu trouves, بعض المسلمين, ils ont lu ces histoires. Et كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمية, la plupart c'est du mensonge, des rajouts. Ils ont amplifié des faits, ils ont rajouté, ils ont enlevé. Et ces histoires qui se sont passées il y a longtemps, il faut des asanides, il faut des chaînes de transmission pour voir est-ce que c'est authentique. Amla muhim. Et quand les rawafid ils sont entrés min hadha al-bab, ils ont menti, ils ont ajouté des choses. Et tu trouves, بعض المسلمين c'est devenu des rawafid. Ils insultent Muawiya, ils insultent Uthman. Bel بعضهم ils critiquent et ils ont des doutes sur Aisha radiyallahu anha. Thumma ils finissent par critiquer Abu Bakr وعمر رضي الله عنهم. Pourquoi? لأن علي رضي الله عنه il a subi une énorme injustice. مذهب الرافضة. فهم fait attention. قال شيخ الإسلام رحمه الله والصحيح منه أو قال on répète إن هذه الآثار المروية أي toutes ces histoires qui sont rapportées sur الفتنة التي حصلت في مساويه منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير من وجهه. Donc certains récits c'est des purs mensonges. D'autres récits ils ont été déformés. Ils ont été falsifiés. قال والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون إما مجتهدون مخطئون. Et là chaque cas des récits sont authentiques. لكن celui qui avait raison il a deux récompenses. Ajru al-ijtihad wa ajru isabat al-haq. La récompense annahu il était sur la vérité. La récompense annahu il a fait un ijtihad. Et ceux qui se sont trompés, ils ont une récompense. Kama akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Idha ijtihad al-hakim fa asab falahu ajran. Wa idha akhta'a falahu ajr. قال وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصومون أو معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. وكذلك أهل السنة ils ont cette عقيدة أن الصحابة رضي الله عنهم ils sont pas infaillibles. العصمة c'est les الأنبياء والرسل. Ils sont pas infaillibles. Des petits péchés, des grands péchés. لكن مع هذا on a cette عقيدة أن نحب أن نحبهم ونحترمهم. Et même dans les choses qui se sont trompées أو لي بيشي كيزون فا فتوت لوغ حسنات ولله الحمد بإذن الله عز وجل سي بيشي سوغون باردوني. فلهذا قال بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة أما إجماعهم إلى معصوم. أما لونانيميتي دي كومبانيون فالحمد لله سي اون بروف. أما هنا الكلام إلى عن الأفراد فلهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة أي الأفراد أي تل كومبانيون أما الجروب فالحمد لله سي لونانيميتي لو كونسنسوس اي سي اون بروف. قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. نعم même si on dit que tel compagnon il lui arrivait telle chose فالحمد لله كما قال شيخ الإسلام لهم من السوابق أي ils ont secouru دين الله عز وجل ils ont assisté le prophète صلى الله عليه وسلم au départ. فهذه الحسنة العظيمة c'est la cause pour qu'Allah سبحانه وتعالى leur pardonne leur péché. والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. نعم si on dit qu'ils ont fait tel péché لا شك أنهم c'était أقل الناس ذنوبا c'était ceux qui faisaient les moins de péchés c'est ceux qui faisaient le plus التوبة c'était des proches du prophète صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم لأن parmi les causes de العفو et de المغفرة c'est الحسنات. Donc vu que eux ils ont énormément de bonnes actions face à une cause pour que ça efface leur péché. قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون كما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك حديث عمران خير الناس قرني. أما حديث خير القرون نعم كذلك ينظر لكن الذي يصح ولا شك خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال أي la meilleure des générations les meilleures personnes c'était l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام أي le prophète عليه الصلاة والسلام et ses compagnons. قال وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم وهذا on l'a cité ولله الحمد dans le cours précédent. قال أي وهذه الأمور إذا قوبلت بالمساوي على فرض أن هناك مساوي إذ محلت تلك المساوي معها ولا يقاربها أحد في شيء من ذلك. أي نعم. Donc هؤلاء c'était la meilleure génération, les meilleurs hommes après les prophètes et les messagers. هؤلاء نصروا دين الله فلا يبغضهم إلا منافق زنديق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار. الآية هنا سبي معنى العلامة أي parmi les signes du croyant c'est qu'il aime les Ansar et bien sûr ça implique qu'il aime les Muhajirin il aime les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Ça c'est parmi les signes du croyant. ومن آيات المنافقين المنافق بغض الأنصار détester les Ansar رضي الله عنهم. نعم والشيخ ابن باز رحمه الله إلى التعليق على ما الموقف الصحيح عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم page 103 أي au début du chapitre qu'on a lu hier أي هذا الشرح qu'on lit ensemble de الشيخ السعدي. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه il a cité une خلاصة طيبة. قال رحمه الله on répète page 103 au début du chapitre الصحابة قال خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما شجر بينهم هو سلامة قلوبهم وألسنتهم ومحبتهم إياهم والترضي عنهم أجمعين وإظهار محاسنهم وإخفاء مساوئهم. C'est ça مذهب أهل السنة والجماعة. أي on aime les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et ce qui s'est passé entre eux on se tait. Et on les cite. Combien قال والإمساك عما شجر بينهم واعتقاد أنهم في ذلك بين أمرين إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم. فcelui qui avait raison il a deux récompenses, celui qui s'était trompé il a une récompense. إلا شك أن كلهم يبولي الحق. Et le but de chacun c'était la vérité. لكن vu qu'ils ne sont pas infaillibles et c'était une épreuve. Et c'est une épreuve kadhalik pour ceux qui sont venus après eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété hada. Enfin, notre position, on se tait et on ne rentre pas dans ces choses. Apprends ton din, apprends ta aqida, apprends ce qui les ennemis de l'islam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux certains, ça devient les ennemis des muslimines et on les accuse. Hada, c'est un inhiraf kabir. Hada, c'est très très grave. Ça ne te suffit pas de détester les Yahoud, les Nasara, les Mushrikin, les Dullal. Ça ne suffit pas. Là. On rajoute Khiyar al-Umma. N'a'oudhu Billah. Qala, fal musib lahu ajr, wal mukhtila ajran, wal mukhtila hu ajr, l'ijtihadihi wa khata'uhu maghfour. قال وإذا قدر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير اجتهاد فلهم من الحسنات ما يغمرها ويمحوها وليس في بيان خطأ من أخطأ منهم وليس في بيان خطأ من أخطأ منهم في حكم الأحكام شيء من إظهار المساوي بل ذلك مما يفرضه الواجب ويوجبه النصح للأمة. نعم. أما certaines choses مثلا on n'est pas d'accord, il y a un khilaf بين الصحابة et on dit الصواب c'est كذا. La vérité, c'est هذا القول. Ça ne veut pas dire qu'on accuse d'autres compagnons. رضي الله عنهم أجمعين. أبداً. فلهذا بعض الجهال, ils pensent que quand tu, maintenant, tu délaisses le قول de tel compagnon, tu l'accuses. نعوذ بالله. Là, il a اختلفوا. La vérité, elle est une. Ibn Abbas, رضي الله عنه, il a choisi un قول. Ibn Mas'ud, رضي الله عنه, il a un autre قول. Si on prend le قول d'Ibn Abbas, est-ce que ça veut dire qu'on accuse Ibn Mas'ud? هذا c'est بعيد جداً. لكن البعض يشرح دي زيغور وكي أبا دي غور المفلس عن الحجج celui qui n'a pas de preuve il a rien entre les mains et il veut t'accuser il cherchera une chose et on vit à une époque الآن أن البعض pour accuser absolument ils veulent faire croire que tu insultes les savants ou tu insultes tes compagnons ou tu aimes pas هذا c'est بعيد عند السني. Un sunni qui insulte les compagnons, خاصةً الخلفاء, هذا c'est بعيد جداً. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Ici ça arrive, c'est déjà arrivé من بعض. من ينتمي إلى السنة, هذا سانقاقي. On le dit بكل راحة. ولله الحمد. هذا كلام جميل للشيخ بن باز رحمة الله عليه. ثم قال, on continue la parole de الشيخ سعدي رحمه الله. قال ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. نعم. أما si un d'eux il a fait un péché, on répète ils sont pas infaillibles, إما il a fait التوبة, إما il avait beaucoup de حسنات et ces حسنات c'était la cause أن ce péché il lui a été pardonné. ولله الحمد. قال أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته كذلك هؤلاء c'est les personnes qui mériteront le plus l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam يوم القيامة. لماذا لأنهم ils l'ont secouru au départ, ils ont cru au départ en lui عليه الصلاة والسلام. قال أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر بها عنه. نعم كذلك الابتلاء c'est une cause, et les épreuves c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il efface les péchés du muslim. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر والخطأ مغفور. هذا c'est si on dit qu'ils ont fait un péché sans اجتهاد. أما tout ce qui s'est passé avec الاجتهاد أي ما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهم أجمعين فهذا من باب الاجتهاد. Celui qui avait raison il avait deux حسنات et celui qui avait tort qui s'est trompé il a une حسنة. هذا الحمد لله c'est clair. Enfin, pourquoi perdre son temps, pourquoi rentrer dans des choses, انتبهوا, la curiosité ça fait beaucoup de mal. من تربية السني s'écarte de la curiosité. Là apprends ton din, apprends les choses claires. Est-ce qu'on a appris le Coran? Est-ce qu'on a appris Sahih Bukhari? On a appris Sahih Muslim? On a appris les livres de fiqh? On a fini tout cela pour aller perdre notre temps dans des choses qui nous feront du mal? Voilà. Et si tu veux connaître l'histoire, connais l'histoire. Inda Ahl Sunnah. Wallahi alhamd, tu verras que la yata'anouna fi sahaba, abadan. Ahl Sunnah, quand ils enseignent l'histoire, ils accusent personne, mais la sahaba radiallahu anhu. Jamais. Qala. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور نزر أي quelque chose de très très minime مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح هذه الأعمال العظيمة كهؤلاء الأخيار radiyallahu anhum, ils ont accompli avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cru en Allah azza wa jalla, ils ont cru en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait le jihad avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait le hijra avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou le nusra, ils ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont étudié chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appliqué sunnat al Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, chacun haoula, c'est les meilleurs après les messagers et les prophètes. كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولسون قول بدو قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم به نعم وما من الله به عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء celui qui a appris sa aqida عند أهل السنة et qui a étudié les textes concernant les mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va très vite se rendre compte anna haoula, c'était les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. قال وأنه لا كان ولا يكون مثلهم وأنه مصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. نعم. C'est الصفوة. الخيار البررة رضي الله عنهم les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala il les a choisis pour accompagner son messager et son prophète قال وهذا كلام أي انتهى كلام شيخ الإسلام قال الشيخ سعدي وهذا كلام في غاية النفاسة ولا زيادة عليه في التحقيق وإقامة البرهان على كمال فضل الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاج إلى شرح أو نعم كلام الإمام ابن تيمية هنا رحمه الله il est très très clair فلهذا الشيخ سعدي قال أن الكلام il est clair il est précis il est concis il est résumé فإن n'a pas senti le besoin de l'expliquer فهكذا dès que le كلام il est clair on n'a pas besoin de نطول الكلام أحيانا quand tu veux trop expliquer tu t'éloignes du مقصود tu t'éloignes du but فلهذا تجد بعض العلماء certains passages ils ne les expliquent pas. بعض العلماء ils expliquent tout pour faciliter et il n'y a aucun mal. لكن quand le kalam il est clair, même s'il y a une explication, enfin l'explication elle est claire, فالحمد لله. لا بس نقرأ le bab d'après il est très très simple. حتى demain on essaye d'avancer pour finir avant Ramadan بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات هذا كذلك من أصول أهل السنة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وخوارق العادات العادة c'est quelque chose de normal الخارق أو خوارق العادات c'est quelque chose qui sort de la normale. Maintenant, un bébé de quelques mois qui parle, c'est pas normal. Normalement, il faut quelques temps, 2 ans, 3 ans, il commence à parler. Mais au bout d'un mois, 2 mois, ça c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Maintenant, une personne qui marche sur l'eau, ça c'est min khawariq al-'adat. Il y a la normalité, c'est qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Wa hakada. فنعتقد أن بعض الأولياء parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a facilité certaines choses qui sortent de la normale. قال خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سلف الأمة في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. موجودة فيها، وهي موجودة فيها، أي الكرامات، أي سكرامات. ما أدري est-ce que tu peux traduire par miracle, par des signes. المهم des choses qui sortent de l'ordinaire. لأن pour الأولياء العلماء يدي كرامات، et pour الأنبياء يدي المعجزات. فلعل المعجزات سلي ميراكل، ميراكل دي بروفيت، et الكرامات c'est pour autre que les prophètes. والعلماء ألفوا في كرامات الأولياء، et كذلك ألفوا في دلائل النبوة، les miracles des prophètes عليهم الصلاة والسلام. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son sharh قال فمن هم الأولياء. لكن on doit bien comprendre c'est qui الأولياء. قال والجواب أن الله بينهم بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. سأل ولي سأل كي كخان الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي سكي لزالي الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، أي لزالي الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم، ils n'auront pas peur et ne seront pas tristes. الله سبحانه وتعالى les préservera ici bas et dans l'au-delà. ثم قال عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي les a décrits سكي، c'est ceux qui croient et qui craignent Allah. Al-Iman ou Al-Taqwa. Enfin, celui qui a Al-Iman et qui a Al-Taqwa, Al-Iman c'est cette aqidah qu'on a étudiée ensemble, walillahi alhamd, cette croyance, et Al-Taqwa c'est fi'l al-awamir wa tark al-manahi, faire les obligations et s'écarter des interdits. Tout ça bien sûr, dalil wa burhan, et pour Allah Azza wa Jal. Donc celui qui a Al-Iman et qui a Al-Taqwa, c'est un wali من أولياء الله عز وجل. أما الكرامات قال الشيخ ابن عثيمين فهي جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة. دونك الكرامة لو بلوريال الكرامات اي خرق العادة أو خارق العادة، الخوارق سا سو غوسومبل. قال يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا. إما سي ميراكل que certains, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne. Imma, c'est pour aider. Imma, c'est pour renforcer ce mu'min. Imma, c'est pour le secourir. Alhamdulillah, il y a beaucoup d'exemples fi tariq. Qala Cheikh Sa'di rahimahullah. Wa tawatarat nusus al-kitab wa sunnah wal waqa'i'u qadiman wa hadithan fi wuku' karamatillah li awliya'ihi al-muttabi'ina li anbiya'i. C'est pour ça que نؤمن بذلك. C'est pour ça qu'on croit en ces choses. Contrairement à Al-Mu'tazila Al-Dhullal. يقولونهم il n'y a pas de khawariq. Ils rejettent complètement cela. Comme ils ont rejeté beaucoup de choses, عياذ بالله. قال وكرامتهم في الحقيقة في ثلاث قضايا. أي هذه الكرامات tu vas tirer trois leçons. أعظمها الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وكما أن الله سننا، كما أن لله سننا، كذلك يقال سننا وأسبابا تقتضي مسبباتها الموضوع لها شرعا وقدرا، فإن لله أيضا سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم. فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بل وأيام الله وعقوبته في أعدائه الخارقة للعادة كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله والتقدير والتدبير كله لله. أولا هذا سنموت أن الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut, il secourt qui il veut. C'est pour ça qu'il a aidé عز وجل certains croyants avec des causes qui sortent de l'ordinaire. مثلا on peut citer un exemple pour que ça soit plus clair, et c'est le sujet de notre dars suivant, et l'explication de Riyad Salihin, Qissat al-Ukhdud. Ce roi injuste qui a creusé des fossés pour brûler les croyants, des croyants, فمن هؤلاء المؤمنين une femme. Et cette femme, quand elle s'est approchée de ce feu, et chaque croyant qui refusait de délaisser sa foi, il était jeté dans ce feu. Cette femme, quand elle est arrivée, elle a eu peur. Et elle s'est arrêtée. Allah subhanahu wa ta'ala nasaraha wa ayyadaha. Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru avec un miracle. Karam. Et son enfant, qui était très très petit, c'est un enfant qui allaitait, qui ne parlait pas. Cet enfant, il a parlé. Antaqahu Allah azza wa jal, alladhi antaqa kull shay. Cet enfant, il a parlé bi-idhnillah. Il lui a dit, ya umma, ittaqillah wasbiri. Allah est patiente. La chaque ma hada, c'est minat tathbit. Anna fi hada al-hal, cette mère, ça l'a renforcé, ça l'a encouragé, elle a patienté. Hada, c'est minal karama. Et ça vient de qui? C'est qui a ordonné cet enfant de parler, ou qui a facilité à cet enfant de parler, alors qu'à la base, un enfant de cet âge, il ne peut pas parler? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, c'est cela le premier point. Qala wa anna lillahi sananan la ya'lamuha basharun wa la malak fa min dhalik qissatu ashab al-kahf wa al-nawm alladhi awqa'ahu Allah bihim tilka al-mudda al-azima wa qayyada asbaban mutanawwi'a li hifdh dinihim wa abdanihim kama dhakara Allah fi qissatihim. Na'am, c'est une qissa ajiba fi surat al-kahf. Ha'oula al-nafar, ces personnes qui sont rentrés dans cette caverne. Limada lianna leur qawm, c'était des mushrikoun. Et ils se sont réfugiés dans cette caverne et ils ont dormi pendant 300 ans, au plus de 300 ans. Et sans nourriture, sans boire, sans leur corps, il n'a pas changé. Tout ça, c'est min karamati al-awliya. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a préservés bihada. Et celui qui veut les détails, fa fi surat al-kahf, l'histoire, elle est citée. Qal wa minha ma akram Allah bihi Maryam bint Imran. وأنه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة عظيمة. هذه المرأة الصالحة, cette femme pieuse qui fait partie des meilleures femmes, Maryam bint Imran. Et Zacharie, quand il rentrait, il trouvait de la nourriture auprès d'elle. Alors que, à la base, pour avoir de la nourriture, il faut aller la chercher, il faut l'acheter, etc. Et elle ne se déplaçait pas, elle restait dans son endroit. Et Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquha. Des fruits, etc. à côté d'elle. Enfin, quand Zacharie lui a demandé, elle a dit, qalat huwa min indillah. Ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Qala al-shaykh rahimahullah wa kadhalika hamluha wa wiladatuha bi 'Isa 'ala dhalika al-wasf alladhi dhakara Allah wa kalamuhu fi al-mahd. Hadha hi karamatun li Maryam wa mu'jizatun li 'Isa 'alayhi as-salatu was-salam. Na'am, mu'jiza li 'Isa, parce que Isa c'était un rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Maryam c'était une karama, limadha? Li annaha c'était une femme pieuse. Elle a eu 7 enfants sans mari. Une crame. À la base, une femme, pour qu'elle tombe enceinte, il faut qu'elle ait un mari. Il faut qu'elle ait des rapports. Hadihi al-mar'a, elle n'a jamais eu de rapport et elle est tombée enceinte. Bi-idhnillahi azza wa jal. Kadhalik Isa alayhi salatu wasalam. Il a eu beaucoup de mu'jizat et parmi ses miracles, il a parlé alors qu'il était encore fil mahd. Al-mahd, c'est le berceau. Il était encore tout petit et il parlait. بإذن الله عز وجل قال وكذلك هبته تعالى الولد لإبراهيم من سارة وهي عجوز عقيم على كبره. Et ça c'est, كذلك c'est une معجزه لإبراهيم. أن إبراهيم il était très très vieux et sa femme Sarah elle était très très âgée et مع أنها elle était عقيم, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était âgée. Allah سبحانه وتعالى رزقهم الولد. قال كما وهب لزكريا يحيى على كبره وعقم زوجته عقم وعقم العقيم الذي لا لا لا يولد له لا يحصل له الولد plutôt. C'est il traduit en français par stérile, celui qui ne peut pas avoir d'enfant. قال وهذه معجزة للنبي وكرامة لزوجته. وقد أطال المؤلف النفس وبسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Donc, rahmatullah alayh, il a cité une référence mufide. Celui qui veut des détails fi hadha al-bab, ma yata'allaq bi karamat al-awliya, et tout ce qui est lié à ce sujet, fal-imam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a écrit un livre et c'est une des références fi hadha al-bab. Al-furqan, bayna awliya al-rahman wa awliya al-shaytan. Et la différence entre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les alliés de shaytan. Limadha li anna ba'd al-nas, والشيخ سعدي نعم أظن نبه عن ذلك أنه ميلانج أن tout ce que les sorciers font et الدجالون الكذابون الأفاكون المشركون أنهم ils font certaines choses avec la sorcellerie etc. بعض الناس ils pensent que c'est من الكرامة et ils donnent de la valeur à ces personnes. بل بعضهم عياذا بالله ils exagèrent et ils les adorent. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a écrit ce livre pour te montrer la différence. قال وذكر قصصا كثيرا كثيرة متوافرة دالة على هذه القضية. قال رحمه الله القضية الثانية أي par rapport aux karamat. Donc la première, أن الله عز وجل il fait ce qu'il veut. Et هذه الكرامة ça montre أن الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. La deuxième, أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء. لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيرا كثيرا من جملتها الكرامات. نعم. وهذه الكرامات qui arrive à certains membres de cette communauté des choses qui sortent de l'ordinaire. في الحقيقة ça fait partie des miracles du prophète صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ستهم il a suivi le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est devenu un mu'min. Et هذه الكرامات c'est un fruit parmi les fruits du suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. الثالثة, troisième point, القضية الثالثة أن كرامات الأولياء هي من البشرى المعجلة لهم في الحياة الدنيا كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي على قول بعض المفسرين كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن ذلك الكرامات ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في أي وقت وفي أي زمان. نعم كذلك c'est une bouchra pour le croyant, c'est une bonne nouvelle pour les croyants et ça arrive encore à notre époque. وشيخ الإسلام dans son livre رحمه الله الفرقان كذلك dans مجموع الفتاوى et dans beaucoup de ses livres il a montré أن الكرامة ça veut pas dire que celui qui l'a il est meilleur que les autres. Là أحيانا الكرامة c'est pour secourir un musulman à cause de ses faiblesses. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il a démontré as-sahaba radiyallahu anhum al-karama à leur époque c'était moins les miracles à leur époque c'était moins que ceux qui sont venus après. Limadha li'anna ceux qui sont venus après ils avaient besoin plus de secours, plus d'assistance. Limadha li'annahum ils n'avaient pas le niveau de sahaba radiyallahu anhum. À ne pas penser à celui qui a al-karama forcément il est meilleur qu'un autre. Abadan. Wa Cheikh l'Islam rahimahullah il a une kalima azima أنه أبين أن أعظم الكرامة c'est الاستقامة. La meilleure كرامة c'est الاستقامة, c'est de suivre le droit chemin. Celui qui suit le droit chemin, plus suit le droit chemin, et inshallah il est à la khair. أما واحد il peut avoir des faiblesses et il a une كرامة, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que tel savant ou que tel croyant qui fait beaucoup d'efforts. Là. هذا سي ان بوان امبورطون وكذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله dans son شرح نبه عن ذلك ثم قال وقد راى الناس منها العجائب والامور الكثيره ولم ينكرها الا زنادقه الفلاسفه وليس غريبا عليهم فانه فرع من جحودهم وانكارهم لرب العالمين ولقضائه وقدره. نعم بعضهم ils ont rejeté دين الله عز وجل معجزات اوتخ الكفر الملاحده et بعض اهل البدع ils ont rejeté كرامات الاولياء et بعضهم ils ont exagéré. قال وقد انكرها ايضا طائفه من اهل الكلام المذموم ظنا منهم ان في اثباتها ابطالا لمعجزات الانبياء. نعم بعضهم من اهل الكلام comme المعتزله et autres parmi les causes pourquoi ils ont rejeté le karamat ils ont dit si on dit qu'il y a des karamat ça veut dire qu'on compare ce croyant à un prophète alors qu'ils ont mélangé. Voilà. Même les ulama ils font entre les noms, ils disent karamat pour le wali et ils disent mu'jiza pour le nabi. قال وهذا وهم باطل أبطله المؤلف رحمه الله في كتابه النبوات وغيره من كتبه. Donc tu as كتاب النبوات de Cheikh al-Islam et كذلك الفرقان للمؤلف رحمه الله. كتب العقيدة en général il traite ce chapitre. قال فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله لأوليائه إجمالا وتفصيلا. إجمالا أي c'est pour ça que l'ulama il le cite dans l'aqida, ça fait partie de notre croyance. لماذا لأن الله إليه على كل شيء قدير on a dit text. والتفصيلا أي c'est arrivé à بعض الناس on a cité ou on a lu plutôt l'exemple de أصحاب الكهف كذلك la femme avec son enfant qui a parlé et d'autres. بعض الصحابة رضي الله عنهم ils ont marché sur l'eau في غزوة. Ils ont marché sur l'eau. هذه سن كرامة الله سبحانه وتعالى اللي غادني. وبعض الناس ils ont rassemblé في الكرامات. Des livres sur كرامات الأولياء. قال نعم ويثبتون ذلك على وجه التفصيل كما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وكما تحقق وقوعه. ولكن قد أدخل كثير من الناس في الكرامات أمورا كثيرة اخترعوها وافتروها وخدعوا بها العوام والسدج من الناس وأوهموهم بأنها من الكرامات وليست إلا قسما من الخرافات والشعوذات. لكن بعض الناس توسعوا في هذا الباب. Certains ont exagéré. Ils ont fait rentrer des choses dans les karamat, dans ces miracles. Et في الحقيقة c'est de la sorcellerie et c'est du mensonge. مثلا quand tu vois بعض الناس il boit de l'eau bouillante. Au bord d'eux, ils se font rentrer un sabre. Ça, c'est pas mina al-karamat, ça, c'est mina al-sihr. Léan al-aqil, il fait pas ça. L'homme pieux, il a pas besoin. Pourquoi boire de l'eau bouillante? Pourquoi se faire rentrer un sabre? Ah, oula, il travaille avec shayatin. Ça, c'est mina al-dajjal ou mina al-sha'wada. Ne pas mélanger les deux. C'est pour ça qu'on doit pas être impressionné. On doit pas être impressionné. Par هؤلاء. فلهذا الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من السلف disait si tu vois واحد marche sur l'eau أو بعضهم يقول يطير في السماء فلا تغتر به. Tant qu'il suit pas السنة لا تغتر به. S'il est pas على الحق فاعلم أن qui marche sur l'eau ou qui vole dans le ciel ça sera d'aucune utilité يوم القيامة. لأن ce qui sera utile يوم القيامة c'est العبادة والطاعة. الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بالجنة إن للمتقين مفازة كذلك بالإيمان بكو دو أدلة في هذا. أما الكذب والدجل و certain choses certains ils font ça a aucune utilité et هؤلاء ils ont plusieurs objectifs عيادا بالله. قال وأهل السنة أبعد الناس عن التصديق بالخرافات والأكاذيب المفترى وأعرفهم بالطرق التي يتبين بها كذب الكاذبين وافتراء المفترين. Et on répète parmi les références كتاب الفرقان de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله فرد على هؤلاء الكذابين. Et il a montré la voie de أهل السنة concernant ces كرامات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياه وإياكم. Et نكتفي بهذا. Et on passe à notre درس suivant. إن شاء الله تعالى والحمد لله.